On est comme des planètes à fouiller en pleine nuit. Les lanternes des comètes s'allument et puis s'enfuient. Dormir debout, vivre couché, manger du sang, boire du vin, se penser tout seul de son côté, comme dans les jeux sérieux d'enfants. Ne rien savoir à tout jamais, être en transit, en habidum, habidum, habidum, avoir la tête pleine de projets, qu'on réalise ou qu'on déforme, refaire les moules à chaque matin. Que les idées, c'est de la pâte. Être son propre pain quotidien. Être l'hiver et la débâcle. Passer sa vie à être pas sûr de rien, à se demander où est-ce qu'on s'en va, à vouloir sauter les clôtures, à s'imaginer l'au-delà, à avoir de tout dans ses bagages, du grand amour au grand chagrin, du soleil aux précieux ombrages, des grands chefs-d'œuvre aux tout petits riens. On finit même par oublier les longues attentes qui finissent pas. On finit même par oublier qu'on se disait, mais qu'on n'oublierait pas. Qu'on n'oublierait pas.